Merci. Ça va, les amigos? Bah oui. Ah, vous savez que je parle jamais de politique. Alors j'en aurais des choses à dire sur mai 68. Enfin, c'est pas trop tard. Bon, là, j'ai regardé un peu le dernier rapport de la Cour des comptes. Waouh! Vite fait, ils m'ont dit: Ernesto, tu veux pas vérifier 2-3 calculs en public? C'est des gentils à la Cour des comptes, hein, mais c'est les branleurs, ils sont pas rigoureux pour un sou. Je suis parti en vacances un été avec eux, c'était un boxon. On arrive à Mykonos, un tel a pas calculé la log de la Zafira. L'autre veut pas payer l'all inclusive, soi-disant, parce qu'il a pris deux fois du ouzo. Enfin, je vous passe les détails. La Cour des comptes, je trouve, c'est bien généreux de leur confier des tâches sérieuses. Mais, soit, dans leur rapport d'hier, ils préconisent notamment d'augmenter le temps de travail des salariés de Radio France. Très bonne idée, rien à dire. Je trouve que ça joue beaucoup aux cartes dans les bureaux, vraiment. Et Leïla, vous allez me dire qu'avec l'argent que vous gagnez ici au poker, vous arrosez la police pour votre trafic de poppers, que par ricochet ça fait vivre la maréchaussée, que c'est réinvesti dans l'économie réelle et que c'est toujours ça de prix sur ce que nous coûtent les gilets jaunes. Ok, Leïla, c'est pas le manque de culot qui vous étouffe, mais sur ces questions, comme la ligne intercité ou les trains de nuit, la Cour des comptes évoquait un manque de moyens de l'État pour les faire fonctionner correctement. Et or, dans la même journée, j'entendais à la radio un médecin parler de l'incendie meurtrier de lundi et dire que la psychiatrie souffrait d'un manque de moyens. Et je me suis dit, vous trouvez pas qu'il y a quand même beaucoup de monde qui manque de moyens? Ça vous a jamais frappé? Moi, j'ai 37 ans, je sais que je les fais pas, on va pas revenir là-dessus. Si vous voulez mon petit secret, vous avez qu'à acheter le livre que j'ai coécrit avec Grishka Bogdanov et la mère de Jeanne Calment. Ça s'appelle « Si on vous demande, restez flou ». C'est un très bel ouvrage, mais c'est pas la question. La question, c'est que j'ai 37 ans et ça fait 30 ans que j'écoute la radio. Il y a deux trucs qui sont constants en radio. Deux trucs. À la radio, t'as des pubs qui donnent envie de crever dans un plein d'essence. Et à la radio, t'as des gens qui manquent de moyens. C'est les deux constantes. Vraiment, jamais de ma vie, j'ai entendu quelqu'un à la radio déclarer: nous, ça va, Imhotep, on a ce qu'il faut. Merci, prenez pour vous. Vraiment, on a tout ce qu'il faut. Jamais. Les flics manquent de moyens. Les hôpitaux manquent de moyens. Les écoles, les prisons, les transports en commun, les théâtres. Vous savez qui manque pas de moyens? Nous. À la bande originale, on est blindés ici et on paye même pas les invités. Ah oui, Isabelle, si vous croyez que vous allez faire un petit billet ici, bon, ouais, c'est mort, hein, on garde tout pour nous. Regardez, même la preuve, Daniel Morin, il a une autre chemise. Vraiment, je vous promets. J'ai fait des recherches sur Google pour nourrir cette chronique. Tu tapes manque de moyens, t'as un peu moins de 10 millions de résultats. Tu tapes Nagui cocaïne, t'en as que 33 000 alors qu'on se dit les Français sont inquiets pour vous, patron. Eh ben, pas tant que ça. Non, ce qui les inquiète, c'est que les services publics sont broke et j'ai pas de solution forcément. Je lisais le bouquin de Raphaël Glucksmann. Oui. Oula. J'ai lu le bouquin de Raphaël Glucksmann. C'est pas de gaieté de cœur, croyez-moi. On est forcé par la chaîne. À Inter, on est obligé de lire les nouvelles solutions pour la gauche, sinon notre badge il est désactivé. Quoi. Je dis pas que c'est une secte au sens traditionnel, mais enfin, soit, je lisais que le manque à gagner de l'évasion fiscale en France, c'était 21 milliards d'euros de l'évasion fiscale. Avec 21 milliards d'euros, je me le paye enfin, cet orthophoniste déjà. Avec 21 milliards, c'est qui devient champion de France? Guingamp. Parce que vous savez qui manque pas de moyens? Le PSG. Évidemment. Et c'est une estimation basse, 21 milliards. Hein, parce que Raphaël Glucksmann, on le connaît, c'est un gentil, c'est un branleur, hein, c'est pas un rigoureux. Quand je suis parti en vacances avec lui à Mont-de-Marsan, il était sur les B&B au lieu de 4 jours, au lieu de. Enfin, je vous passe les détails. Allez, bonne émission, les amis, vraiment. Bravo! La bande originale, Nagui, sur France Inter.